Le salon noir. On l'a vu avec Posidonios d'Apamée, puis côtoyer César, parfois en compagnie de Jérôme Carcopino. On l'a souvent entendu sur les ondes du Salon Noir évoquer quelques druides chenus, quelques batailles d'un peuple de guerre et de bruit que certains dénomment les Celtes. Dans cette grande famille des Celtes, il y a les Celtes antiques, voire ceux d'aujourd'hui, mais aussi la Celtique et les Celtisans qu'il étudie, sans oublier les Celtomanes, adhérents du celtisme, parfois revendiquant la celticité, la celtitude. Pour débrouiller cette nébuleuse celtique, Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, fouilleur de l'extraordinaire sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre, vous vous penchez aujourd'hui sur un sujet capital au travers d'un livre, Les Celtes, histoire d'un mythe, publié chez Belin. Jean-Louis Bruno, puis-je aujourd'hui, et quelles que soient mes origines, me revendiquer celte ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Quoique certains généticiens actuellement n'hésitent pas, prétendent pouvoir découvrir la celtitude, un gène de la celtitude, en examinant la salive de New-Yorkais, par exemple, issus d'Irlande. Donc on voit policier New-Yorkais. Donc on voit jusqu'à quel point cette celtitude est recherchée dans des domaines où on ne l'attendrait pas. On peut la retrouver dans la génétique ? Absolument pas, non ? Non, il y a des recherches qui sont en cours, mais j'espère montrer que c'est une recherche tout à fait inutile. Alors pourquoi se revendiquer celte ? Et peut-on, vous me dites, non, on n'a pas le droit, mais pourquoi ? Ah, pourquoi ? C'est une histoire ancienne d'abord, c'est une histoire qui remonte à la Renaissance, à une époque où on abandonne, enfin surtout en France, ou surtout dans l'extrémité occidentale de l'Europe, on abandonne la recherche généalogique basée sur l'héritage gréco-romain. Donc on s'aperçoit qu'on n'est pas de taille pour rivaliser avec les Italiens et les Grecs, et donc on recherche une autre origine, donc on la cherche dans la Bible, et très vite, à la Renaissance, on s'appuiera sur les Celtes. Pourtant, il existe une communauté de langues, le breton, le cornique, le gaélique. Oui, alors ce sont des langues plus ou moins proches qui ont été appelées à partir du XVIIe siècle, langue celtique, une appellation qui pose énormément de problèmes, puisque en fait, elle a été appelée celtique en s'appuyant sur les données de Strabon, la géographie de Strabon, qui utilise le terme celte de façon un peu confuse et trop générale. Et en fait, le but était surtout de ne pas employer le terme gaulois. Il ne fallait pas employer le terme de langue gauloise, puisque les Allemands, les Flamands, qui étaient les premiers grands linguistes de cette époque-là, revendiquaient cette descendance de cette langue. Et donc, il était absolument impossible de l'appeler gauloise, évidemment. Alors, pourquoi en France se revendique-t-on celte et non pas gaulois ? Justement, parce qu'il y a cet esprit gaulois, il y a tout ça ? Oui, il y a certainement beaucoup de raisons. Il y a certainement le reflux du nationalisme. On a quand même connu deux guerres mondiales qui ont été causées par un nationalisme exacerbé. Et on a un petit peu accusé les Gaulois, de même qu'on avait accusé les Germains d'être ces ancêtres qui nous avaient portés à ces guerres, en quelque sorte. Donc c'est une des raisons. Pas seulement, il y a aussi le régionalisme. Notamment, on le voit en Bretagne française, les Bretons se revendiquent d'une celtitude, effectivement, par opposition à l'apport de la Révolution française, par rapport à la nation française. D'ailleurs, c'est étonnant, je pense d'un seul coup à ça. J'ai souvenir, dans les années 80, même 70, on parlait en Bretagne d'un âge du fer, le premier et le deuxième âge du fer. On ne parlait jamais de civilisation Hallstatt ou de l'Athènes, comme on en parle partout en France. C'était du régionalisme archéologique, déjà ? Oui, certainement, oui. Entre folklore et tradition, tout cela est généralement bon enfant, sans réelle idéologie. Et pourtant, trouver ses origines dans la nuit des temps n'est absolument pas anodin, Jean-Louis Bruno. Ah non, ça n'est pas anodin du tout. Bon, et puis, vous dites que c'est actuellement bon enfant, certes, mais ça ne l'a pas toujours été. Il y a eu des époques récentes où cette revendication celtique, ou même encore actuellement dans des groupuscules d'extrême droite qui se revendiquent d'une ascendance celtique. Donc, ce n'est pas forcément toujours bon enfant, mais surtout, surtout cette façon effectivement de rechercher une ascendance la plus lointaine et surtout vers ce monde celtique, ça n'est pas effectivement innocent, c'est-à-dire qu'on se recherche une très ancienne identité. Et comme toute cette recherche généalogique des identités, c'est toujours près du racisme en fait. C'est toujours chercher l'ascendance la plus directe, la plus pure. C'est toujours ce qui ressort de des textes des gens qui se revendiquent de cette celtitude. C'est pour échapper, vous le disiez, à ce système judéo-chrétien. Donc on va puiser quelque chose d'encore antérieur. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'après avoir après avoir regretté cet héritage gréco-romain dont je parlais, il y a eu cet essai d'une recherche généalogique du côté du monde de la Bible, puisque c'était la seule référence livresque, en quelque sorte. Et ça n'a pas marché non plus. Et donc, on se trouve une autre filiation qui est encore plus problématique que les deux autres, en fait. Pour vous, ce sont des traditions inventées, il n'y a pas de conservatoire. Ah oui, bon, ça a été très très bien montré, notamment par les anglo-saxons et par Eric Hobsbawm, qui a écrit un ouvrage et beaucoup d'articles sur ces questions. Ce sont des choses extrêmement récentes qui datent toutes de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, et on en suit finalement tout le récit en Armorique, en Bretagne, en Galles, en Pays de Galles ou en Écosse. C'est des choses qui maintenant sont très très bien connues. Jean-Louis Bruno, aujourd'hui même en Italie, la Ligue du Nord revendiquerait une origine et un lointain passé celte. Oui, alors évidemment pour les historiens et les archéologues qui connaissent quand même bien la question, ça pourrait faire sourire si effectivement il n'y avait pas cet arrière-plan finalement d'extrême droite qui pollue un petit peu le débat. Mais... Et puis c'est un nationalisme carrément de l'Italie du Nord. Ah, tout à fait. Mais bon, si on n'examine que la question historique dont il se revendique, c'est totalement ridicule, puisque cette Cisalpine n'a été occupée que temporairement par les Gaulois. Et donc, on ne voit pas comment on peut se revendiquer d'une occupation temporaire, surtout que les arguments qui sont donnés... Pour eux, les Celtes, ce seraient des montagnards qui se seraient retirés dans les Alpes pour échapper donc à la pollution des Romains, aux maladies que les Romains apportaient avec eux. Enfin, oui, on est en plein délire. Alors, toujours est-il que cet futur État du nord de l'Italie s'appellerait la Padanie. Oui, la Padanie, c'est la région du Pô. Donc, c'est effectivement cette région qui, entre le 6e, 5e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ, a été peuplée partiellement. De toute façon, c'est vraiment partiel par des Gaulois, mais qui cohabitaient avec les Étrusques, qui cohabitaient avec les Vénètes. Donc, dire que c'est un lieu qui serait en quelque sorte, comme l'Irlande, une sorte de conservatoire, c'est totalement aberrant. Pour l'archéologie et les archéologues, les Celtes correspondent à ce vaste ensemble de peuples très présents, on va dire, entre le 6e et le 1er siècle avant notre ère. C'est à peu près ça la chronologie ? Oui, c'est ça. C'est celle qui prévaut actuellement. Mais c'est encore une fois, ce sont des théories les théories archéologiques qui prennent en compte les Celtes ont beaucoup bougé entre finalement la fin du 19e siècle, c'est-à-dire l'époque où des gens comme Alexandre Bertrand, qui est le fondateur du Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain, a commencé à utiliser les Celtes dans son discours archéologique, et le discours actuel, les choses ont énormément bougé. Mais les archéologues ont adhéré aux Celtes. Les archéologues actuellement ont adhéré récemment. Ils ont adhéré, disons, dans les années 70-80. C'est quelque chose d'assez récent. Avant, on les appelait comment dans ces cas-là ? Avant, c'est-à-dire, on ne les appelait pas spécialement. On parlait effectivement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, du premier et du second âge du fer. Antérieurement, disons, à la Seconde Guerre mondiale, on parlait de Gaulois, on a beaucoup parlé de Gaulois. Et il semblerait que ce soit la Seconde Guerre mondiale qui, en France, a, disons, fait disparaître un petit peu les Gaulois, comme elle a fait disparaître les Germains en Allemagne. Alors, regardons les textes anciens. Les peuples de l'Ouest, ceux du couchant, ont longtemps été inconnus des Grecs ? Ah oui, bien sûr. Enfin, bon, les Grecs ont fait surtout du commerce, mais ça n'était pas forcément des aventuriers. Donc, pendant toute une période qui correspond au deuxième millénaire et même le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, on ne savait rien de ces peuples de l'Occident. Et quand on a commencé à en savoir un petit peu quelque chose, on les appelait hyperboréens. Et qui était une sorte de nom mythique, puisque ces hyperboréens, donc ces gens qui étaient censés habiter au-dessus de Borée, enfin c'est l'une des étymologies qui est donnée à ce nom, on les considérait comme des adorateurs d'Apollon, par exemple. Donc vous voyez, on était en pleine légende. Les hyperboréens que l'on retrouve d'ailleurs dans une partie de l'idéologie d'extrême droite, de toute manière. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la plus ancienne mention grecque de ces Celtes ? Alors la plus ancienne mention est due à Hécaté de Milet, donc c'est un personnage extrêmement intéressant puisqu'il est considéré, bon, d'une part c'est le premier prosateur grec et c'est surtout le père de la géographie qui était un Ionien, donc qui habitait sur les rivages de la Turquie actuelle et qui a fait un périple de l'Europe, où en quelque sorte il a décrit les différentes stations auxquelles accostaient les commerçants et les voyageurs. Et à cette occasion, il parle de Marseille en indiquant que c'est une colonie des Phocéens et qu'elle se trouve en Ligustique, c'est-à-dire dans le pays des Ligures, mais dit-il, non loin de la Celtiquée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie déjà un nom de territoire, Celtiquée, qui est un nom substantivé à partir de l'adjectif Celticos. Donc ça veut dire que déjà depuis certainement un siècle ou deux, les Grecs, tout au moins les Ioniens, étaient habitués à cette dénomination de Celtes. Donc qu'ils placent de toute évidence de l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire dans l'arrière-pays du Languedoc. Et Celtique, Celte, c'est un mot d'origine grecque, donc ? Ah non, non, les Grecs l'ont cru. Là, les Grecs ont fait des étymologies très savantes, comme ils savaient en faire. Enfin, il n'y avait que pour savoir les faire de cette façon. Donc, ils ont effectivement indiqué que une étymologie tout à fait filandreuse à partir du verbe kelein, qui veut dire accoster. Mais en réalité, ça n'a rien de grec. Et c'est évidemment, c'est un nom autochtone. Qu'on n'arrive pas à interpréter jusqu'à présent, mais comme j'ai proposé de donner une des traductions possibles, je pense que c'est quelque chose qui serait comme les compagnons ou les commerçants peut-être, puisque pour moi les Celtes, c'est une confédération de peuples qui travaillent avec les Grecs justement. Hécaté, bien sûr, au VIe siècle, c'est tardif. On aura aussi Éphore. Hécaté, 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, c'est déjà assez ancien. Alors Éphore au 4e siècle, Éphore a évidemment, c'est l'historien qui a fait le plus de mal pour cette compréhension de l'histoire de l'Europe occidentale, parce qu'il généralise ce terme de Celte. Il le fait dans un préambule à une histoire universelle. C'est quand même quelqu'un qui a l'idée de faire la première histoire universelle. C'est un beau projet. C'est un beau projet et qui en plus a l'idée tout à fait originale pour cette époque-là. Maintenant, ça tombe sous le sens de faire une sorte de carte du monde, justement pour placer l'histoire de ces différents peuples. Et il fait une carte très schématique où le monde connu est représenté comme un rectangle, avec la plus grande longueur qui est le mouvement du soleil, évidemment. Et comme les confins sont inconnus, il attribue aux confins des noms de peuples qu'il connaît. Donc à l'est, il met les Indiens. Au nord, il met les Scythes. Au sud, il met les Éthiopiens. Et à l'ouest, ce qu'il trouve à mettre, c'est les Celtes. Ce qui est tout à fait curieux, parce qu'il oublie les Ibères, qui étaient connus depuis bien plus longtemps par les Grecs. Et donc, on a ce groupe de Celtes qui s'étendrait entre les Scythes au nord et les Éthiopiens. Enfin, c'est totalement, évidemment, caricatural, mais ça aura un très grand succès. Alors pourquoi Posidonios, le seul connaisseur de la Gaule, puisqu'il s'y promène, il n'utilise jamais le mot celte, hein. Ah, si, si, il utilise le mot celte, mais dans un sens très restreint. C'est celui qu'on retrouve justement dans le L'Incipit de la guerre des Gaules de César, qui est directement une copie de l'œuvre de Posidonios. Pour lui, les Celtes, c'est le centre de la Gaule, le centre sud de la Gaule. Et autour se trouvent les Galatas. Les Galatas est aussi un nom indigène. Et l'ensemble forme ce qu'il appelle la Galatia. Et donc on retrouve ça un petit peu plus détaillé chez César, qui nous dit, dans sa première ligne de la guerre des Gaules, que la Gaule est divisée en trois parties. L'une est habitée par les Celtes, enfin c'est une phrase extrêmement célèbre. L'autre par les Belges et la troisième par les Aquitains. Et donc là, il nous donne effectivement l'emplacement qui a toujours été celui que donnent les historiens antiques de ces Celtes, qui se trouvent en bas, donc dans l'arrière-pays du Languedoc, et ensuite, parce que cette confédération s'est agrandie, tout autour du massif central. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean-Louis Bruno, les druides se sont bien entendu penchés sur leur propre origine. Pour eux, ils sont autochtones avec une partie issue d'une migration. C'est du moins ce que diront les espions Rem à César. Oui, absolument. Donc les druides faisaient office parmi toutes leurs compétences savantes, faisaient aussi office d'historiens. Et donc, ils ont enregistré les origines des différents peuples. Et pour eux, il était évident que les habitants de la Gaule ne faisaient pas un tout. Donc il y avait une diversité d'ethnies. Donc certains étaient indigènes, dit-il, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous de mêmes ethnies. Et surtout, il y avait toute une part de peuples originaires des Bouches du Rhin ou peut-être même d'au-delà, qui sont les Belges, et dont Posidonios, en interrogeant les druides, savait la date d'arrivée. Il dit, c'est ce que répète César, Antiquitus, c'est quelque chose qui nous ramène, disons, 2 ou 3 siècles avant l'arrivée de César en Gaule. Donc il y a vraiment une mémoire qui est une véritable mémoire historique du peuplement. Les Belges, c'est sur ces populations que vous travaillez, notamment. Absolument. Et vous voyez justement cette arrivée des Belges ? Absolument, oui, on la voit très bien, et notamment on la voit avec une expansion absolument considérable de l'agriculture, puisque c'est dans cette époque du IIIe siècle où apparaissent toutes ces villas qui vont totalement essaimer dans le nord de la France actuelle et qu'on retrouve après sous la forme de villas gallo-romaines. Mais on sait maintenant que ce sont avant tout des villas gauloises et aussi ces sanctuaires. Et tout ça montre un peuplement qui devient très dense au IIIe siècle où il y a cet apport. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez des espions Rhem. Ces espions Rhem disent à César qu'eux ne sont pas des Belges, mais qu'ils ont été envahis par ces Belges et que maintenant ils sont compris comme des Belges, ce qui d'ailleurs n'a pas l'air de leur plaire beaucoup. Les Rhem qui vivent bien sûr autour de Reims. Dans la longue histoire des idéologies, les Celtes ne seraient-ils pas une pure création des Grecs ? Oui, absolument. C'est-à-dire que les Grecs avaient besoin de nommer déjà les gens pour pouvoir les identifier, pour pouvoir établir des traités, etc. Et donc, c'est eux certainement qui ont créé un petit peu arbitrairement cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de gens qui ont travaillé avec eux. Et probablement, cette idéologie grecque est une idéologie qui était acceptée notamment par ces Celtes qui eux-mêmes se présenteront un petit peu comme les Gaulois les plus purs, en quelque sorte. Donc il y a aussi une idéologie celtique des Celtes eux-mêmes à l'époque historique. D'ailleurs, qui se revendique comme étant Celte quand on est en terre gauloise? Alors, ou en terre celtique? En terre gauloise, ce sont les peuples qui se trouvent tout autour du Massif central, essentiellement autour des Arvernes et des Éduins. La légende romaine voulait que les Celtes soient arrivés en masse. Parmi eux, les Cénomans, les Boyens, les Cénons. Nous voilà devant les fameuses migrations celtiques dont on a tant parlé. Migration ou colonie, Jean-Louis Bruno ? Oh bah pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit de colonies. Migration, c'est vraiment les effets de théories qui datent du 19e siècle et qu'il faudrait évidemment abandonner de nos jours. D'autant plus qu'on a des informations très précises de la part des auteurs antiques, et notamment de Posidonios dont on a parlé, que recopie César. César, je crois dans le livre 5, ça doit être le chapitre 24, me semble-t-il, indique que se trouve le long de la forêt hercynienne. Donc la forêt hercynienne, c'est la forêt noire jusqu'à la Bavière, en quelque sorte. Il se trouve là des colonies de Celtes qui sont venues du Languedoc, de cette région dont on a parlé. Et il emploie très précisément le terme « colonia », qui est l'équivalent de celui que Posidonios avait utilisé, c'est-à-dire « apoikia ». Donc ce sont des colonies en bonne et due forme, comme on le voit aussi en Cisalpine, c'est-à-dire des peuples, vous avez parlé des Cénomans, des Cénons, etc., qui ont leur équivalent en Gaule transalpine. Et donc on a des peuples dont une partie de la population, c'est-à-dire la population la plus jeune, se déplace mais garde des contacts avec la métropole. Vous me parlez de migration, mais les migrations, elles reviennent très souvent dans la littérature historique ou archéologique ? Oui. Tort, donc. Ah oui, certainement, parce que c'est une explication trop facile. Et enfin, notamment pour cette question des Celtes de façon générale, quand on lit certains ouvrages encore actuels où on nous dit que les Celtes seraient originaires d'Europe centrale et auraient déferlé en quelque sorte sur l'Europe occidentale, c'est quelque chose qui paraît totalement incompréhensible, surtout lorsqu'on pense à cette civilisation de l'âge du bronze dans toute la frange atlantique, une civilisation qui était extrêmement brillante, extrêmement riche, qui utilisait le bronze non seulement pour les outils mais aussi pour les armes. On imagine mal que ces civilisations étaient submergées par des peuples venant d'Europe centrale. C'est totalement aberrant. Alors les Celtes ont été un peu considérés un peu comme les Néandertaliens. On en a fait souvent les premiers Européens. Oui, c'est ça. Alors ce qui fait effectivement le succès, quoique c'est un succès un petit peu mitigé, de ces Celtes à partir des années 80-2000, c'est qu'on a essayé d'en faire les ancêtres des Européens. Mais c'est extrêmement difficile à faire passer comme message. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons les Celtes, leur passé, leur réalité même, avec Jean-Louis Bruno, directeur de recherche au CNRS. Posons-nous quelques instants sur la linguistique qui a joué un rôle capital. Nous voici devant le concept de langue celtique qui, à vos yeux, ne va pas de soi. Non, il ne va pas de soi parce que, encore une fois, et comme celui de langues indo-européennes, il postule qu'il y aurait une langue mère et donc qu'il y aurait un celtique qui, évidemment, pour l'instant, est totalement qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas reconstituer. Donc, on a déjà bien du mal à reconstituer le gaulois. Je crois que vous avez fait une émission récemment sur la question. Et de là à imaginer une langue antérieure, c'est extrêmement difficile. Et surtout, c'est un postulat qui ne repose sur rien, si ce n'est sur une espèce de darwinisme linguistique, en quelque sorte. La linguistique comparée ferait de la généalogie à la recherche du peuple des origines, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement le même problème que pour les Indo-Européens. C'est toujours la question généalogique, c'est la question des ancêtres qui obnubilent les chercheurs. On se demande bien pourquoi, et toujours avec des origines de peuplement qui seraient toujours ailleurs que là où on observe les peuples, ce qui est assez étrange. Donc les migrations. Toujours les migrations. Que j'évoquais, toujours. Voilà, toujours. Alors vous évoquez, vous, par exemple, les théories de Trubetskoy qui vous paraissent plus intéressantes ? Oui, ce sont des théories par contact, par influence réciproque. C'est quelque chose que les ethnologues actuellement connaissent assez bien et qui, à mon avis, rend mieux compte de cette proximité des langues plutôt que celle de ces Indo-Européens qui seraient venus des plateaux d'Iran déferlant comme des raids guerriers sur l'Europe occidentale. Là, on est un petit peu dans la légende et dans l'image un petit peu facile. Jean-Paul de Moule vient de remettre en cause la réalité même des Indo-Européens. Vous détruisez le mythe des Celtes. S'agit-il du même combat ? Oui, c'est tout à fait la même chose, sauf qu'effectivement, les Indo-Européens sont plus larges. Et effectivement, dès que la théorie, je dirais plutôt l'idéologie des Indo-Européens a commencé de se construire, tout de suite, on a fait une place à ces Celtes qui ont paru justement comme ces descendants directs des Indo-Européens et comme les parents des Germains, des Gaulois, etc. Donc on est toujours dans cette idéologie généalogique. Donc on peut dire que la langue celte unique et primitive serait une construction de l'esprit ? Ah, c'est totalement une construction de l'esprit jusqu'au moment, enfin tant qu'on ne nous aura pas prouvé le contraire, mais je doute que ça puisse se faire un jour. L'indo-européen, c'est bien sûr aussi l'indo-germain. C'est aussi des théories absolument terribles, Cosina. Oui, effectivement. Enfin, vous dites l'indo-germain, c'est effectivement encore l'appellation que les Allemands actuels donnent à nos indo-européens. Et donc, tout ça prouve une certaine histoire. C'est-à-dire que le concept d'indo-européen, il faut quand même s'en souvenir, a été construit sur la rencontre de deux théories. D'une part, les théories raciales, celle de Blumenbach qui a divisé les races en cinq couleurs, donc une classification bien connue, en privilégiant la race caucasienne, au même moment où on découvrait, où là justement la linguistique comparée avait l'idée de cette langue mère qui a été assimilée au sanskrit. Et donc, on a fait coïncider en quelque sorte la race caucasienne et le sanskrit, et on a immédiatement trouvé un nom à ces gens, c'était les fameux Aryas, donc ces peuples du Pendjab qui ont donné notamment les Védas, donc la production la plus pure du sanskrit, et à partir de là, s'est construite cette théorie des Aryens. Donc il y a toujours cette paternité encombrante pour les Indo-Européens, le fait qu'elle repose quand même sur des théories raciales. Et dans ces cas-là, où se positionnent les Celtes, les Germains, les Gaulois ? Ah ben eux, ils sont les Celtes sont les descendants directs des Indo-Européens, donc ce sont des parents très proches des Aryens. Enfin, c'est comme ça que les idéologues nazis les avaient entendus. Et les Gaulois sont les fils de ces Celtes, en quelque sorte. Et les Celtes sont mis dans ces théories à la même place que les Hellènes, c'est-à-dire que ce sont des parents fréquentables, donc des peuples qui sont susceptibles d'agrandir le Lebensraum, donc l'espace vital des Aryens, notamment tels qu'ils sont vus par les nazis. Et si les archéologues qui découvrent des sites archéologiques, qu'ils attribuent bien sûr aux Celtes, étaient tout simplement victimes d'une idéologie historique ? Oui, c'est le sujet de mon livre, en fait, c'est-à-dire que je montre qu'on a affaire à une sorte d'empilement de 26 siècles d'idéologie qui va de l'idéologie des Grecs, dont on a parlé, à celle assumée par les habitants de la Gaule, jusqu'à toutes ces transformations qui se sont faites depuis la Renaissance et qui ont touché des domaines assez divers, hein, donc effectivement la linguistique, mais aussi cette généalogie dont on a parlé, la littérature, les traditions, la musique, etc. Est-ce que tout ça ne s'alimente pas par elle-même ? Oui, c'est le processus même, c'est ce qu'a très bien montré justement Jean-Paul de Moule, c'est-à-dire que on a ce mécanisme, notamment le mécanisme de la tradition inventée qu'a bien étudié Eric Hobsbawm, et qui montre qu'on a affaire finalement à des raisonnements circulaires. Donc on invente des notions et ensuite on s'en réclame. Au travers des Celtes, qu'est-ce qu'ont cherché les archéologues du XXe siècle ? Tout simplement à donner un nom à des populations dont ils ne savaient plus, voilà, à qui attribuer. Alors, je trouve que ça ne se pose pas tellement pour l'archéologie en France, puisque en France, on sait qu'on a affaire à des Gaulois. Alors, effectivement, pour l'Europe centrale, là, on n'a aucun nom d'ethnie conservé par les auteurs antiques. Et c'est ce qui a fait justement le succès extraordinaire des Celtes dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, c'est-à-dire que ces archéologues se sont trouvés tout à coup, après la Seconde Guerre mondiale, des ancêtres européens, en quelque sorte. Vous, sur le terrain, Jean-Louis Bruno, vous n'arrivez pas à définir l'identité des Celtes ? Ah non, pas du tout. Je pense qu'actuellement, les archéologues, comme les historiens, doivent plutôt aller dans le détail et plutôt retrouver les peuples qui sont connus historiquement. C'est pourquoi même la notion de Gaulois est en quelque sorte trop large. Il faut l'utiliser quand on ne sait pas attribuer à tel ou tel peuple des vestiges que l'on rencontre. Les Celtes et la Celtique ne seraient pas une sorte de sac fourre-tout, pour finir ? Si, c'est justement le terme qu'utilise Tolkien, qui a trouvé très tôt, et d'ailleurs on s'en étonne, cette image qui correspond parfaitement. Il dit que c'est un sac magique dans lequel on peut mettre tout et à peu près n'importe quoi. C'est exactement cela. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on peut faire dire aux Celtes tout ce que l'on veut. Le mot celte est-il encore utilisable ? Ne sommes-nous pas coupables de l'avoir utilisé dans ce fameux salon noir ? Si, nous sommes tout à fait coupables et j'espère bien que c'est la dernière fois qu'on l'utilisera ici. En tout cas, les Celtes sont dans l'inconscient des Européens. Pourra-t-on s'en débarrasser ? Je pense que non, parce que effectivement, ce mot, cette notion sert notamment à une idéologie qui est un petit peu trouble, un petit peu confuse et on ne s'en débarrassera pas comme ça, malheureusement. Jean-Louis Bruno, un grand merci. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Celtes, histoire d'un mythe, publié chez Belin. Un livre absolument à lire. La semaine prochaine, Éric Boéda évoquera sa découverte du plus vieil Américain. L'archéologie française est aujourd'hui en deuil suite à la disparition de Jean-François Jarige, orientaliste, homme de musée, mais surtout archéologue. Membre de l'Institut, Jean-François Jarige a consacré sa vie au rayonnement de la recherche archéologique française au travers du musée Guimet, de la commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères ou de ses recherches dans le sous-continent indien. Les archéologues œuvrant à l'étranger lui doivent tous aujourd'hui beaucoup. Le Béloutchistan fut son terrain de prédilection, Mindawari, Pirak, Mergar, Nochero, les sites dont il mis au jour le passé lointain. Jean-François Jarige était l'infatigable et incontournable spécialiste du bassin de l'Indus. Le Salon Noir lui rendra prochainement hommage. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Clément Daté, attaché d'émission Catherine Denet.